Vous êtes tous et toutes seuls au cœur de nuit. Manque le frottement régulier des tolets de la barque. Tout est mouillé. Imprégné de cette pluie qui n'a cessé de tomber, et pourtant, malgré la pluie, un brasier irréel achève de disloquer la carcasse rouillée de ce véhicule du temps jadis, abandonné sur les hauteurs de la cuvette dans laquelle vous aviez vos ortillons. Shugia a bouté le feu dans le nid. Les flammes consument avec avidité ce qui restait de l'âge d'or. Vous avez suivi les rails, vous éloignant des vers de la créature disparue et des imprécations que lance Maurice. Vous avez marché vivement le long de la voie, suivant celle-ci jusqu'à ce qu'elle aboutisse dans un trou d'eau et disparaisse totalement dans la ténèbre, au pied même du cachel de l'Arconte. Vous tenez là, dans l'obscurité. Vous n'y voyez, pour ainsi dire, plus. Devant vous, ce ne sont que des ténèbres d'intensité différente. Vous devinez à peine les arbres qui vous entourent. Seule la faible luminescence que projettent les étoiles sur l'écorce des troncs vous signale la présence des plus proches. De la faible luminosité, j'attrape les mains de deux personnes les plus proches de moi et je les enjoins à faire la même chose. On se tient les mains, comme ça on se perdra pas. Oui, j'ai peur. T'inquiète pas, tout va bien aller. Et comme ça, on sera ralenti. De toute façon, on se déplace forcément au rythme du plus lent, donc... On sera légèrement plus lent, mais ce sera pas, notable. Et puis même, on peut potentiellement gagner de la vitesse au départ. Parce que le plus rapide entraînera les plus lents, comme on se tient les mains. Comment échappera-t-on à Maurice? Si quelqu'un arrive dans notre dos, on est mal fichu. De toute façon, on est mal fichu quoi qu'il arrive. Soit on se perd, soit on se fait attraper par quelqu'un. Soit je clôt la marche. Ah, si vous voulez, on fait comme ça. Ça veut dire, on est tous... Nous ralentira d'autant plus. Oui, mais on pourra faire une marche comme tu le souhaites. Ce que je propose, désolé pour les auditeurs, mais en gros, c'est... merci les bonhommes Stickman. En gros, t'as un bras en arrière, un bras en avant, et tout le monde est sur cette même position. Comme ça, à chaque fois, t'as un point où les gens se tiennent. Sauf que ça ralentit. Ça ralentit énormément, sauf qu'il y a quelqu'un devant qui peut se servir de quelque chose, peu importe ce que c'est. Je sais pas, moi, une lance, voilà, on en a pas, hop. Et celui de derrière, même chose. Comme ça, ceux au milieu, ils sont protégés, et on se perd pas. On va pas faire tac, et tac, tac. Il faudrait que le dragon arrête de sonner de la gidouille, parce que ça va attirer les orlas plutôt que les chasser. Ou sinon, ce qu'on fait, c'est que dragon est à l'avant avec sa gidouille. Les autres, en dehors de moi-même... Mais il souffle plus dans la gidouille, moi je dis, parce que sinon, le Moritz, il va nous retrouver vite fait. Donc il y a dragon... On essaie de faire moins nourrir, ouais. Ensuite, il y a qui? Il y a la gourde. Alors, on se tait déjà. Parle moins fort, Non, c'est toi qui gueule ici. Je gueule pas d'abord. Je parle vivement parce que l'émotion m'étreint. Donc, j'ai fait un simple Donc, celui qui est au milieu... Il y a... dragon à l'avant, avec la gidouille. Il y a... Comment on sait où sont les autres? Il suffit juste que quelqu'un marche légèrement plus vite et on le perd de vue et on... Tu on tiens, quelqu'un. Toi, tu seras au milieu, tenant la main de la gaude et de... ouais, et... Hertz, et moi je serai à l'arrière en train comment de vous suivre. Comment on sait où vous êtes, toi et dragon? Vous tenez la main à personne? Hein, on vous suit, à même, on vous emboîte le pas à même pas 5 mètres de distance. On a une visibilité à 3 mètres, il me semble. Guerre plus, oui, effectivement. Donc, voilà. 3 mètres, c'est... vous distinguez vos yeux qui luisent dans la pénombre. Imagine, t'es dans la cave avec sa commune. Enfin, cette pièce-là, sans cette lumière, et tu dois essayer de trouver Imhotep. Oh, ça va. Bah, ça va, bon courage, hein. Je connais par cœur la pièce, ça aide. Voilà, va dans cette pièce et trouve Imhotep. Il est pas dans la pièce, donnez-moi. Voilà, donc, de toute façon, il est dans son pot de fleurs, donc tu peux toujours chercher ici. D'évidence. Tu l'as pas trouvé dans la bonne pièce. D'évidence, là. Donc, c'est pour ça que je propose là de où la lune se tient et où vous pouvez l'apercevoir, c'est lorsque les arbres. Ne se chevauche plus, et ce qui n'est plus le cas maintenant. Vous êtes entré au cœur du bois qui ceint les contreforts de Cachel, et là, l'obscurité est trop sombre pour que vous puissiez juger même du chemin. Mais je vois dans la nuit, moi. Je vois dans la nuit. Ah bon ? Bien sûr que je vois dans la nuit. À ton avis, qu'est-ce que ça m'apporte que ce cadenas que je t'emballe tout le temps. Des savoirs. Oui, bah tu vois peut-être dans la nuit, mais pas nous en tout cas. S'il voit dans la nuit, il peut aller devant alors. Non, parce que sinon il risque de marcher plus vite et nous abandonner. Ah, on pourrait te perdre, oui. Alors, il faut qu'on reste tous ensemble. Je le tiens par la manche. Dragon me tient. Tu nous suis. Et puis Hertz se ferme la marche. Moi, je te tiens la gaude. Et puis, dragon, non. Dragon reste avec moi. Je ferme la marche si vous voulez. Dans tous les cas, tout le monde se tient par une extrémité quelconque et on avance. Ou sinon, on fait comme ça. On met les mains comme ça. Ça me paraît vachement logique. Non, surtout, en fait, tu râlais par mon système de colonne qui se tient comme ça. Mais ton truc, c'est encore pire. Non, mais c'était une blague. Yes. Ça m'a l'air d'être une super idée ce que je fais. De fait, lorsque vous joignez le geste à la parole et que vous rassemblez, vous rapprochez, vous voyez quelque peu, mais ce faisant, vous cognez les uns les autres, vous marchez sur les pieds. Effectivement... Vous êtes arrêté parce que, imperceptiblement, ou du moins, justement, parce que vos sens défaillaient et que vous ne pouviez plus vous repérer. C'est un espèce de grand vertige qui vous saisit, un vertige où seule l'absence de vos sens guide. Et il faudrait effectivement s'en remettre à quelques sens formidables pour se repérer. Est-ce le cas? Est-ce toi qui ouvres la marche et confies-tu la compagnie aux esprits qui hantent le bois? Mm-hmm. Ici, c'est risqué. Il y a des trous, m'a dit Dragon. C'est justement le rôle de celui qui est devant, d'éviter les trous et de murmurer à son voisin derrière, il y a un trou et de... d'amorcer le mouvement. Comme ça, on évite de tomber dedans. D'accord. Fais passer l'info. D'accord. De fait, vous restez les uns contre les autres parce que le couvert des arbres et des buissons est extrêmement dense. Gabriel, tu vas jouer un dé pour l'appel que tu fais. Avant, je veux quelques précisions. Est-ce que tu entends effectivement en appeler... Non, c'est juste pour les rassurer et pour les avoir dans ma poche. Hein. C'est que du mensonge. C'est que du mensonge, d'accord. Mais c'est le caractère de mon personnage. D'accord. Enfin, là, c'est... D'accord, mais tu n'entends pas en appeler. Ah non. À la reine du bois. Je sais parler la langue du bois. Mmh. J'ai des connaissances, mais je suis pas pour autant nyctalope. D'accord. Donc je vais te demander de jeter un dé, s'il te plaît. Pour voir si je les convainc bien. Oui, si tu les rassures. 6. Je crois que c'est raté. C'est toujours mieux que rien. Alors, je... si l'argument a manifestement endormi les craintes manifestes, sonores de Hertz, tu as senti la main de Gaut se détacher de ta manche. Tu l'as senti s'éloigner. Ici, dans le bois, nous ne sommes pas à l'abri. Notre ami nous invite à nous cacher. Dragon, il faudrait qu'on se taire. Et ainsi nous échapperions. Oh. Il faut trouver une grotte adaptée. Si on va mourir, on va peut-être mourir de froid. Tu as raison, dis-le à Dragon. Dragon est d'accord. Parfait, bah, cherchons la grotte en question. Mais là, le trou d'eau, on l'a laissé. Il m'a dit que pas loin, il y en avait une autre. Il faut continuer à progresser. T'as pas entendu un bruit là-bas? Sur la gauche? Si. Mais dis-toi que ce sont mes amis du bois. Ils vont rien te faire. Ah, tu es sûr? Oui. En fait, je... Là, ça craque. C'est mon ami écureuil. Ça peut aussi être nos amis de vent qui ont marché sur le mardi. Tu crois? Dis-toi que je ne vois pas personnellement. C'est en fait le bois qui voit pour moi. Dans le cadenas, je vois. Grâce à la guêpe, je vois. Mais je fais comme vous, je suis pas magicien. Enfin, c'est le bois qui me donne le don de voir. Le bois est en toi? Un arbre, mais c'est un arbre, je te dis. Et il se moque de moi, il est pas gentil. Beaucoup lag, Mathieu. C'est juste pour plaisanter et se moquer. Ça, c'est juste un espèce d'arbre. Au goulag, espèce d'arbre. Vous entendez. Je tiens pas très loin de vous, mais vous avez du mal à vous rapprocher au jugé. Je vais te demander un... Il y a un trou et je tombe dedans. Smudge. Tu t'approches de... En direction du son. Tu entends toujours l'eau ruisseler autour de toi, et comme je le disais tout à l'heure, ce sont essentiellement les reflets que peuvent dessiner le peu de lumière qui pénètre sous le feuillage, qui viennent se diffracter dans vos pupilles, sur vos dents, sur l'éclat des divers ustensiles métalliques que vous portez, que tu repères, l'écorce parfois des arbres. Là, tu te heurtes, tu t'accroches dans les ronces, tu t'empêtres à demi, mais tu parviens jusqu'à elle. Tu me dis que... Il est tout prêt, il faut que nous cessions de bouger. On doit rester. entendez juste le bruit de l'eau qui ne cesse de ruisseler sur les feuilles des arbres. Un craquement qui semble surgir de derrière toi, Shuldia. Tu ne bouges pas. Forcément, sur le moment, j'éprouve un peu de peur. J'ai l'impression qu'il parcourt le dos, mais j'essaie de pas bouger. Je sais plus pourquoi j'ai sursauté. Tu as entendu un bruit. Tu as senti ta voisine tressaillir. Ouais. Et vous avancez quelque peu et je dis. Prudemment les membres en extension, une main en extension pour éviter de percuter les arbres, toujours avec cette sensation de vertige privée de des sens auxquels vous recourez à l'accoutumée, juste votre odorat, la pluie qui ruisselle sur vos peaux, les odeurs, mais les odeurs sont saturées de la sève qui s'épand partout alentour, que l'eau fait dégorger des ramures, des bourgeons qui suintent partout. Vous avancez donc, mais de façon inaccoutumée, vous glissez. Vous heurtez les uns les autres, accrochez vos vêtements à la végétation. Tu sens, Shuldia, tout proche, la jeune Gaud qui s'était éloignée de Smerdi et qui était venue te proposer de rejoindre une crevasse et vous progressez, entendez des bruits, tu es totalement perdu entre le temps où tu es resté interdit, ayant entendu un bruit suspect, distinct du reste des éléments qui proviennent du bois, et te voilà à côté d'elle. Tu t'apprêtes à reprendre ton chemin, ayant entendu les autres progresser, et là tu te heurte à un corps qui, lui, n'a pas bougé. Je regarde, j'essaie d'identifier le corps. La silhouette est plus grande que la tienne, tu es... Non, moi, tu ne me sens pas qu'il y ait personne plus grande que moi, si. C'est mon pied, jeune homme. Et j'arrive à reconnaître la personne en haut ? Non. Mais il est effectivement plus grand que toi, Maurice. Et tu le regardes. Non, ce n'est pas Maurice. Ok, bon, bah... Et il te retient alors que tu t'apprêtes à choir dans un trou. Merci beaucoup. Alors, on me redresse. Il te redresse. Il manipule quelque chose dans ses mains et vous êtes tous tout à coup éblouis. Jaillissement d'étincelles. Il bat son briquet. Mais, allez, je me rapproche. Il se penche sous toi pour se ménager un abri. Et finit par projeter une petite flamèche dans une coque, une coquille d'un fruit évidé quelconque. Attise les flammes, toujours penchées sous toi. Allez, penchez-vous, que la pluie ne ruisselle pas. Vous voulez voir quelque chose, l'ami ? Ou vous voulez fondre dans les trous ? Allez, souffle, souffle, mon ami, souffle. Vous attisez ainsi la flamme et y ajoute quelques combustibles. Un peu de fumée se dégage. Mais Moritz va nous voir. Je ne sais pas qui est Moritz, mais en tout cas, vous verrez mieux les trous avec un peu de lumière, non ? Et devant vous se tient un homme dont tu as vu d'abord un toupet de cheveux hirsute, des cheveux blancs, vêtu d'une longue tunique toute rapiécée en fort mauvais état. Une tunique emmaillotée sur l'une de ses mains qui forme une longue manche. L'épaule droite, elle, est totalement libre et sur cette épaule, il y a toute une série de tatouages, de signes qui sont marqués sur sa peau toute ridée. Il est maigre, décharné, mais extrêmement grand et lancé. Il a une espèce de barbichette où sont accrochés tout un tas de feuilles, de végétaux qui se mêlent et qui la teintent. Elle a dû être blanche, grise, avoir la même teinte probablement que ses cheveux, mais... On y trouve de tout, des coquilles de noisettes, de petites feuilles, et même de la mousse qui pousse. Mon nom est Gustave. Bonjour Gustave, moi c'est Choubdien. Salutations. Vous allez bien loin de chez vous, tout ce temps que vous êtes. Nous ne sommes pas à côté, en effet. Nous sommes les horizontaux. Votre horizon était fort réduit, là, et vous alliez vous engouffrer je ne sais où. Mais il ne s'agit nullement d'horizon, d'horizontal. Les horizontaux, un horizontal. Oui, c'est quoi, l'horizon est à l'horizontale. Voilà, je pense que votre ami a bien résumé la situation. Si vous continuez comme ça dans la pénombre, vous tomberez dans un trou, mais nous pourrions peut-être trouver refuge... loin de cette pluie, qu'en pensez-vous ? Soit, avec plaisir. Vous entendez au loin la rumeur des imprécations de Moritz, mais c'est noyé par la pluie et la distance. C'est toujours présent, ça vous fait tressaillir par intermittence, mais à chaque fois que vous avez cette certitude qu'il est encore là, à votre suite... Marchez peu de temps pour rejoindre une infructuosité non loin de ce qui semble être un chemin, ce que vous discernez à la lueur vague de l'espèce de lanterne que porte Gustave. Il va nu-pied et manque de glisser en entrant dans une espèce de grotte ménagée sous la racine d'un saule majestueux. Auprès du sol, il y a des restes d'une maçonnerie rongée par la végétation et qui s'enfonce dans l'obscurité. Il s'assied juste sous le remblai de terre, rassemble ses vêtements pour s'abriter de la pluie qui ruisselle autour de lui. Il pose sa petite lanterne devant lui et vous invite à le rejoindre. Je le rejoins. Je le rejoins aussi, non, pas laisse. Vous faites quoi ici au milieu du bois, dans la nuit ? Je pourrais vous retourner la question, jeune homme. Et je la retourne d'ailleurs. Dragon s'assied face à lui, reste silencieux, et la goutte dit... Vous auriez quelque chose à manger ? On a faim. Est-ce qu'il te reste de quoi manger sur toi, Choubia ? Parce qu'il est vrai que vous avez... J'ai des consommables de roc, la quantité n'est pas précisée. Ah oui ? Bah, ça peut te... Oui, mais vu que j'ai récupéré une vessie, j'imagine que j'ai... De l'eau ? J'ai ? De l'eau ? Oui. toute l'eau, mais surtout en consommable, si ça prend qu'une place, j'imagine que c'est de quoi manger pour tout le monde, mais une seule fois. Oui. Bah, chaud. On consomme les consommables de Rock. Donc c'est de la viande séchée que tu partages avec... Y compris Gustave, il nous a aidé, donc je peux pas... Tu entends Gustave... Je suis en train de distribuer la viande et à la fin je l'entends un morceau. Comme vous le souhaitez. Mange mon ami, avant qu'on te mange. On y en a suffisamment pour tout le monde. Vous allez donc nous manger? C'est ce que les anciens disent. Pour autant, que fut cette créature avant que vous la réduisiez ainsi? Quelle créature donc? Ce dont vous vous repaissez, jeune ami. En effet. Souhaitez-vous en manger ou... Non, je m'abstiendrai. Les fruits que j'ai mangés tantôt me suffiront. Soit. Bah, du coup, je redistribue le surplus. Hein. On a un peu plus, hein, voilà. Donc, consommable de roc, adieu. Mais. Je suis sensible. À ton attention, Chaudière. Il n'y a pas de quoi. Vous avez aidé à faire du feu et à trouver un endroit relativement sécurisé. C'est tout à fait naturel. Ne sommes-nous pas là pour nous entraider? Je suppose que si. La journée a été fort longue aussi. Ne m'en voudrez-vous pas si je m'assoupis rapidement? Il n'y a pas de problème. De toute façon, je pense que les autres aussi sont fatigués. Et cette fois-ci, là, je m'adresse au reste du groupe. À savoir Sperdi, Erse, Dragon, ferme doucement ses paupières et penche la tête et... assis face à vous en tailleur. Je suis sûr de l'avoir déjà vu, celui-là. Moi, il dit rien. Est-ce raisonnable de rester avec lui? Ça m'a fait mal. C'est vrai, mais il pourrait. Il nous a aidés jusqu'à présent. Pour l'instant, on pourrait lui faire confiance, le temps de rentrer. Et si jamais ça tombe mal, nous en fuyons quoi? Oui, t'as raison. Il vient se pelotonner contre toi. Vous reposez près de la lanterne. Considérez-vous que Gustave représente un danger pour votre compagnie ou non? Non, pas personnellement. Vous pelotonnez les uns contre les autres pour vous prémunir du froid et de l'humidité et vous installer pour vous reposer. Oui. Je reste un peu veillé sur les quelques. Sur mes camarades, histoire que l'on soit sûr que notre. Très cher Moritz ne nous aide pas lorsque nous dormions seuls. Ne vous surprenne pas dans votre sommeil. C'est cela. Je vais te demander de lancer le dé, s'il te plaît. Allez, chance légendaire. Chance légendaire. 15. Pas mal. C'est en quelle caractéristique que je pourrais mettre? Alors, gueule, j'aimerais bien, mais c'est pas très logique. Ce serait plus dans les nerfs, puisque c'est réussir à se tenir éveillé. C'est bien ça, ou c'est... C'est peut-être plus... Enfin, nerfs. Ce serait plutôt os. C'est ce qui te permet de résister à la fatigue accumulée et à ne pas céder à celle-ci. À rester attentif, éveillé, sans t'inquiéter de tous les signes que peut produire le bois. Tu restes à la périphérie, les autres se sont adossés à la paroi maçonnée, ils sont ils ne forment plus qu'une masse de corps qu'éclaire les flamèches de la lanterne de Gustave. Gustave se tient pour toi sur ta droite et tu guettes les mouvements alentours, les bruissements, le ruissellement de l'eau le long des feuilles, des branchages. Tu écoutes le monde bruire tout autour. Tout est mouillé. Manque seulement le frottement régulier des talons de la barque. Tu cherches à te maintenir éveillé. Qu'est-ce que qui te permet de puiser en toi les ressources où trouves-tu La guêtre, c'est cette surface qui, sitôt que j'y ai posé mes symboles, me revigore. C'est fruit de cette plante qui me donne l'énergie. Peu à peu, la guêtre entre dans ma peau. Le motif et tout ce qu'il s'ensuit rentre dans ma peau. C'est ainsi que la fatigue disparaît sous l'effet de la guêtre. La fatigue se dissipe, mais tu entends un peu plus les cris du bois, les animaux bruire, les insectes piailler, parfois tu es surpris par le ululement de quelques chiens errants. Sans doute l'un de ceux qui rôdent autour du cachel. Le bois bruit autour de mille vies étranges que tu embrasses fugitivement. Tu es dans un demi-songe, une torpeur induite par la guêtre puissante qui protège votre clan. Je l'ai vu. Tu entends d'abord ce grognement, cette imprécation, et tu reconnais cette voix, tu la reconnaîtrais entre toutes, pour avoir auprès d'elle appris les rudiments de ce langage obscur qui est celui du bois. Et tu sens aussi une odeur nouvelle qui vient fugitivement, brièvement estomper celle qui émane de la terre gorgée d'eau autour de vous, celle des végétaux qui croissent tout autour. Il est tout près. Il doit être juste au-dessus, juste sur le promontoire sous lequel vous êtes réfugié. Je le vois, cette lueur. Ah, je vais la voir. Le voleur de guidouille, je vais l'étrangler. Que fais-tu? En essayant de faire moins de bruit, je m'éclipse. Où cela? nous abandonne. Lâche. Ah, c'est pas moi qui volais la guidouille. Tu... t'éclipses... tu es a priori sous le promontoire sur lequel se tient Moritz. Je me colle au... Soit attends. Tu... Je me colle, mais vraiment... Contre la paroi. Contre la paroi. Essaye de devenir le mur, comme la Team Rocket. Oui. Je glisse, en fait, je vais me décaler peu à peu jusqu'à temps que le la paroi s'estompe. Je vais... La paroi, elle... Attends. Elle va... Moi, vous êtes sous un, une avancée... Vous êtes sous une avancée rocheuse. Non. Vous êtes sous une avancée rocheuse. Ça marche aussi, ouais. Comme cela, vous êtes réfugié ici sous l'avancée. J'ai précisé que ça se poursuivait ici sous le sous la terre. Vous avez tes amis sont adossés à une partie maçonnée, mais ça se perd dans l'obscurité. Donc lui, il serait là. Mais où soit tu perds dans l'obscurité. Mais t'éclipser, a priori, il pourrait t'entendre ou te voir. C'est vrai si... qu'il est juste sur des échasses en plus. Tu dis que, ça va, que dans l'herbe, ça va pas faire une trace comme les limaces. Tu vois, t'aurais poussé tellement l'herbe que ça laisse, ça serait une trace de ton passage. Non. Ça quand pourrait. Je me colle à la paroi. Oui, mais justement, tu te traînes. Bah non. Si, quand tu te colles à la paroi, t'es en train de ramper donc, contre la paroi. Tu disais donc, que tu te plaques à la paroi, tu fais corps avec celle-ci. Tu épouses tu la le sol, la boue. Te glisses-tu au plus profond de la grotte si tu vas dans sinon, le bois, d'évidence, il t'apercevra. Est-ce que je peux tirer, je sais pas, Hertz ou quelqu'un, pour les amener dans la grotte et qu'on se cache plus. C'est pas une bonne idée. Parce qu'il dort sur moi, en fait. Donc, soit tu nous embarques tous les deux, soit tu saisis Hertz. Non, pas Hertz. J'ai dit, c'était un exemple. C'était un... Papa, c'était un exemple. J'ai pas dit que ça allait être Hers. Mais j'ai dit, j'ai posé une question. Oui. Tu peux les, tu peux au passage, mais sitôt que tu t'approches d'eux, effectivement, tout en restant contre la paroi, Hers se redresse. En... Je bloque ma main contre la bouche d'Hertz. Tu vois ses gros yeux, c'est... Et là, il manque d'oxygène et il meurt. Ta gueule, maman. Tu mens. Et je le... Il est tout frissonnant. Il t'éveille... Bon, il est déjà le matin. Emportez-vous la lampe ou glissez dans la profondeur ténébreuse. Moi je m'occupe de Hertz. Tu en tires d'autres. Tu en tires un des deux autres. On reviendra. Je pense que j'en ai un qui est pour descendre en faisant ça par exemple. Du coup, je tape sur l'épaule de la première personne comme ça. Ils sont trop discrets. Mais quand tu t'es redressé, elle est contre toi donc. Foncez dans l'obscurité. À l'intérieur, il fait noir, froid. Là, je vous dis, collez-vous tous, on aura moins froid. On commence tous à se serrer. Formez un groupe compact. Vous apercevez les jambes de Maurice s'approcher de la silhouette impassible de Gustave. C'est toi le voleur. Gustave se redresse. Et vous voyez Moritz qui se saisit du cou. Stop! Le soulève à bras le corps. Le secoue. Stop! C'est pas lui! On sort de la grotte, hein. Histoire qu'il sache pas forcément d'où je suis sorti. Youpi, il saura d'où je suis sorti et il va tous nous montrer. Ça, c'était talent pour faire le mur de camouflage de la Team Rocket. J'ai Mathieu. T'as détruit tous les efforts que qu'on avait fait. Autant sacrifier quelqu'un. Hein. On sacrifie personne. Il secoue vigoureusement le pauvre homme qui choie lamentablement dans la boue. J'espère qu'il est toujours vivant. C'est ce ne sont pas des façons de faire connaissance. Que vous ai-je fait? Je veux ma gidouille. Elle arrive. Voleur. Je n'ai rien volé, je sais où elle se trouve, je vais vous la chercher. Il n'y a pas besoin de m'agresser. D'accord? Ma gidouille. Je sais où est la gidouille. Il a une espèce de grosse massue en main. Je sais où est la gidouille. Du coup, je prends la gidouille. Et je vous la... Allez, tu retournes au tréfonds de la grotte, rejoindre tes amis. Je vais chercher la gidouille. Permettez. Une à deux minutes, le temps que j'aille la chercher. Je peux? Je veux ma gidouille. Je prends ça pour un oui. Ses yeux... Je cours pour aller chercher la gidouille. C'est qui l'a en main déjà, la gidouille? Dragon. Je fais, désolé Dragon, mais sinon il reste. Il dit que c'est pour la reine du bois, il faut pas la donner à Maurice. Mais vous voulez vous faire tuer? Et c'est dangereux de la donner à Maurice, il faut la remettre à la reine du bois. Mais je fais quoi de Maurice alors? Débarrasse-t'en! Mais j'en fais comment? Je peux dire... Un mot de pouvoir! Si ça t'amuse. Est-ce que tu vois la jeune goutte qui te dit je peux dire un mot de pouvoir? Elle a toujours cette attitude où elle est dragon et là tu vois. Dragon qui, dont la tête semble légèrement, ses yeux se révulsent et sa tête de travers semble pris d'un tremblement. Il tend la main vers toi tout en étreignant très fortement la guidouille. Tu sens une froide impulsion entrer en toi. Tu as le mot de pouvoir. Vas-y, tu peux. Okay. Je lui dis, je n'ai pas retrouvé la guidouille. En ressortant. Je veux ma gidouille et j'aurai ma gidouille. Tu donnes. Il approche sa tête. Ok. Et alors, avec, tu lui assènes un coup de poing avec la volonté de... La volonté de le faire tomber dans les pommes. D'accord. Je veux pas le tuer, je veux juste qu'il soit hors service le temps qu'on aille ailleurs. Youpi, c'est ma main qui est hors service. Alors, non, C'est pas ça qu'il fallait lancer ? Si, mais c'est une situation avec avantage, donc t'as 2 dés, tu choisis le meilleur. Ouais. Vous n'avez jamais vu 5. 14, ok. T'as eu combien ? Bah, j'ai eu 5 et 14, donc... Et comme c'est une situation d'avantage, papa avait oublié de me faire lancer le deuxième dé, du coup j'ai relancé, et sur l'un des dés, j'ai obtenu le même résultat que j'avais lancé précédemment. J'ai fait 5, 5, 14. C'est même pas la bonne addition. 5 plus 5, ça fait 14, non ? Mathieu, t'étais pas censé être en S l'année dernière ? Ça dépend dans quel référentiel t'es, et ça dépend quels sont tes axiomes dans les maths que tu utilises. 3. Ok. USN, un vigoureux coup de poing, tu entends les os craquer, sont-ce les tiens? Est-ce sa mâchoire? Tu ne saurais trop le dire. Tu as une douleur qui irradie ton poing. Et il s'écroule lestement au sol sur l'espèce de grosse branche qui lui tenait lieu de massue de tout son long. Du coup, comment Gustave, c'était bien son nom, il est toujours là. Gustave a disparu. Je dis dans la forêt. Désolé Gustave, bon courage. En espérant qu'il m'ait entendu. Sinon je dis aux autres, allez sortez maintenant. Je l'ai assommé, pour combien de temps, aucune idée, mais il faut y aller maintenant. Faut le tuer. C'est pas de mon ressort, tu fais ce que tu veux, mais c'est pas de mon ressort. Mais pourquoi le tuer? Ce serait mal. Je le connais. Il en a tué des centaines. Tu fais des centaines. Alors, tu le connais, tu sais ce qu'il a fait, nous non. Donc, c'est un échoir. Tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, ce sera sans moi. Et sur ces mots, je m'éloigne un peu. Toujours en voyant le gros. Avec dans l'obscurité. Non, mais quand. Vous avez une lampe, une source lumineuse. T'as dit qu'il y avait la grotte là, ouais. Globalement. Donc ça, c'est le truc au-dessus. Voilà, on va faire comme ça, hop, voilà, donc, là c'est ce que vous voyez de la grotte. Eh bien, on est d'accord que là je me bats à peu près ici. Bah on va mettre, c'était là, hop. Du coup, là c'est ce qu'on voit, du coup je me mets là. D'accord. En les attendant. Je me mets à l'extrémité quoi, ça veut dire, je les vois, ils me voient, je vais pas là. D'accord. Non, je me mets à l'extrémité. Ça c'est l'intérieur de la grotte. Ah, d'accord. Du coup c'est l'inverse. Ok. Je suis presque à la sortie de la grotte. C'est là ce qu'il voit, j'imagine. Ça s'arrête là ce qu'il voit, en les attendant. Mais je dois bien comprendre, Smerdy, que non, je te suis pas dans tes conneries. Tu fais des conneries tout seul, et les autres ils me suivent. Les autres ils me suivent. Oui. Ce serait mal de le tuer. C'est un naufrageur naufragé. Il est un hors là maintenant. Et à ce moment-là, la goutte dit, le vieux sage a dit, mange maintenant, mon ami, tu ne sais pas ce qui te mangera. Tuons-le maintenant avant qu'il ne nous tue. Surtout que, comme Shubdia l'a frappé, maintenant... Elle ramasse un caillou. Alors, moi, je tourne le regard. Branche. Elle vous regarde. Ah, moi, je suis doux. T'en dis quoi, Hertz? Moi, j'ai dit, il faut pas le tuer. Je dis à Hertz, viens si tu veux pas le tuer. Nous, on attend qu'ils finissent de faire ce qu'ils veulent faire et. Dis-toi qu'il en a tué des dizaines et des vingtaines de gens. Tu as dit des milliers tout à l'heure, t'es rien qu'un gros menteur d'abord. Hertz. Je te crois plus. Hertz, viens. On les regarde pas, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas nos oignons. Non, je suis pas d'accord. Et il se met devant la gaude. Je suis pas d'accord. Il peut rien, lui. Peut-être que quelque chose là... Il est malade. Non. Il est malade, c'est tout. Il est fou. Je le connais. Même alors qu'il n'était pas hors là, il était profondément mauvais. Peu importe, je ne participe pas à ça, enfin... Il était dans la communauté, et il en a été exclu, pour de bonnes raisons. Maintenant, il nous en voudra à cause de l'action de Shudia. Il a juste donné un coup de poing, c'est tout. C'est tout. Un coup de poing qu'il l'a mis dans les pommes, je doute qu'il apprécie la blague. On lui a volé sa gidouille, on lui a donné un coup de poing, crois-moi, il va nous torturer, ou au moins nous tuer. La gaude jette sa pierre. Donne-moi ton artefact. Tu dis, c'est ton problème. Pas le mien, clair. Elle prend le sèche-cheveux. S'approche. Hertz, t'es toujours pas décidé? Je suis pas d'accord. Hertz se met devant. Non, j'ai dit non. Hertz, il va falloir que tu apprennes quelque chose. Ici, hors de la communauté, il n'est nulle loi. Il n'est que la loi du bois, la loi du plus fort. Hertz, la Godot profite. Et une violente décharge vient irradier le corps de Moritz et saute. Et voilà un monstre de mort. Avec une odeur de cochon brûlé. Percevait un faible râle. Le corps s'affaisse un peu plus dans la boue. Voilà un souci de régler et un monstre de mort. Je suis convaincu que nous avons ainsi mal agi. C'est pas bien. C'était qu'un pauvre air. J'approche de Hertz et je lui dis, écoute, ce qui est fait est fait. S'il n'y a pas participé, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va finir leur truc afin de rentrer tranquillement à la communauté. D'accord? Il faut aller porter la guidouille, c'est ça? Bah, tout ce bagarre, et pour ça. C'est quoi, c'est il se dégrade? Je sais plus. Non, c'est un où il se dégrade, c'est ça? Ouais. Et bon, il se dégrade pas. Du coup, je récupère quand même le sèche-cheveux, hein, je fais. Bon, arrête les âneries, rendez-moi ça. Et je l'arrange. Tu vois pas qu'il était. Il est déjà. C'était là n'est pas le là. Sujet. On va remettre cette guidouille et on rentre, d'accord? Tu feras quoi quand tu verras quelqu'un qui veut te tuer? Tu vas rester les bras ballants en disant que tu agiras mal si tu le tues? Maintenant la gaude elle est souillée, moi je dis, hein, parce que son esprit, eh ben, il a pris un peu du mal qui était dans l'esprit chafouin de l'autre là. Tuer est mal, mais mal plus mal, c'est le bien. Des fois, un meurtre, ça rétablit. Alors, je sais que négatif plus négatif égale... Enfin, négatif fois négatif égale positif, mais alors, mal fois mal, je savais pas que ça donnait bien. Tu m'apprends des trucs. C'est une façon de penser, notamment... J'ai d'autres façons de penser. Mal égale mal, bien égale bien. Bref, je vais expliquer. Sinon, j'ai une autre façon de penser. La façon des chats, c'est-à-dire, ils s'occupent de leurs oignons. Et ils t'embêtent si tu t'occupes des leurs. Du coup, c'est une mauvaise chose que d'avoir aussi ce pauvre air. Moi, je dis, Shubia, faut que tu fasses quelque chose. Elle file un mauvais coton, la gaude, hein. Elle file un mauvais coton. On va avoir que des ennuis, que d'ennuis, que d'ennuis, que des ennuis sur des ennuis. On ne peut rien y faire. Personne ne peut rien y faire. Là, on finit leur... de ramener leur truc, à la déesse de la forêt. Et ensuite, on rentre. Comme ça, on arrête d'avoir plus d'ennuis. D'accord ? Et cette fois-ci, je m'adresse à tout le groupe. J'attends une réponse de chacun des membres. Bah, au moins, il faut lui faire une dernière... On peut pas dormir à côté de lui, là, comme ça. On va pas dormir. Vous êtes au beau milieu de la nuit. On va pas dormir à côté d'un... On va pas dormir à côté d'un mort ou d'un... Peu importe, il a une... Bah alors, tu vas repartir dans la pluie et la nuit. Sinon, on traîne juste le cadavre, ça peut être plus loin, on s'installe au fond de la grotte avec la lumière, et comme ça, on est tous ensemble au chaud, loin du cadavre. Vous en pensez quoi? Ça me semble une bonne chose, dit la gode. Aide-moi. Elle s'adresse à toi. Elle saisit un des pieds du... C'est et votre ânerie, vous gérez. Voilà ce que je dis. C'est pas un pied, c'est une échasse. Ah, ça fait vraiment araignée. On a tué une araignée. Enfin, un orla araignée. Elle tire sur l'échasse qui lui permet de tirer sur le pied. Il a deux échasses ou il a plus d'échasses? Quatre échasses. Ah, attends, comment il menaçait avec le bâton s'il avait quatre échasses? Bah, il peut tenir sur deux échasses. Ouais, ouais. Et donc, le bâton, c'était l'échasse. Les échasses, c'était des gourdins? Non, il avait un gourdin, ouais. Par ailleurs. Ah, il a bien muté. Je l'ai pas connu comme ça, moi. Vous le tirez dans les broussailles. De fait, le corps roule au bas de la pente et va un peu plus bas, probablement là où vous étiez arrêté un peu plus tôt, là où l'eau s'amoncelle au bas. Du rail, puis vous rejoignez vos camarades. Est-ce que tu ne farfouilles pas, je suppose. Je lâche une dernière pierre sur la tête du monstre qu'on vient d'abattre. Par votre mesure. Un craquement sinistre sous la pâte de la pierre qui te fait néanmoins tressaillir. Une humeur blanchâtre se répand, le sang vient clarté de la lune, tu es descendu jusque dans la combe pour cela. Dans la clarté de la lune, là où elle se reflète dans le trou d'eau, tu vois le sang se répandre et se mêler aux eaux de serpentine. Une humeur blanche de cervelle se répand. Tu vois une patte grise. Je l'écrase de ma chaussure. Sortir. Tu l'écrases vigoureusement. Tu remontes rejoindre tes camarades. Oui. Je suppose que tu n'ébruites pas auprès des plus jeunes ce que tu as vu. Non. Tu pourrais choisir d'éclairer la lanterne de Hertz, pourtant. Et lui dire que il était utile d'ossir le pauvre R. Je compte lui expliquer, mais ne pas lui expliquer pourquoi j'ai fini le travail. Vous ronconniez pour le reste de la nuit dans la grotte. Je prends un moment à part Hertz. Hertz, écoute-moi bien. Je te demanderai une chose. Ne pas me couper pendant ce que je vais dire. Histoire que tu comprennes. Promis ? Oui. Je m'approche au casier pour écouter ce qui se raconte. Cet homme-là, c'était déjà un monstre dans la communauté. C'était un des naufrageurs. Qu'est-ce que c'est un naufrageur ? Oui, ah oui. Eh bien, lui, il en a tué des naufrageurs. De sang-froid. Sans aucune raison. C'était un monstre avant qu'il devienne Orla. Alors c'est un bienfait. On a évité qu'il tue d'autres innocents, d'autres gens qui passaient par là. En plus, sache que lorsqu'on a Après qu'on ait traîné le corps, une araignée est sortie de son crâne. Une araignée, œuvre du bois. Tu sais que le bois ne nous veut pas que des bienfaits. Il était complètement devenu Orla en plus de ça. Tu te doutes bien que l'on ne pouvait pas laisser des innocents comme Gustave se faire agresser par ce fou. Gustave pour qu'il se cache avec nous au fond de la grotte. Je n'ai pas eu le temps de le faire. J'y ai pas pensé sur le coup, j'y ai pensé qu'après. Tu lances. Ok. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de. C'était. C'était bien, malgré un début compliqué. D'accord. Ouais, le début compliqué, on l'évoquera pas. Oui, oui, mais bon. Ok. Je considère que c'était bien malgré cela. D'accord. Enfin, je veux dire, ça aurait pu être mieux si on avait joué plus longtemps et qu'on n'avait pas eu ce début compliqué, mais on l'a eu, tant pis. Ok. Est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir barre sur l'histoire ? D'avoir ? Barre sur l'histoire de pouvoir. Emprise, ouais. Oui. Ok. Toi aussi, Gabriel ? Oui. Après, je tiens à préciser que là, la notion de bien, de mal plus mal, c'est juste la vision de mon personnage, notamment. Ça, oui, oui, je sais, mais moi, c'était pour t'embêter que je disais ça. Mon personnage. Personnellement, je n'ai rien fait pour empêcher ça, même il y a contribué en donnant l'artefact. Personnellement, je suis non-violent et pacifiste. Je suis complètement opposé à ça. J'embête ton personnage, j'ai le droit. Non ? Oui, non, mais je préfère mettre les choses au clair, histoire qu'il n'y ait pas de quiproquo par la suite. Alors, j'avais, moi j'avais un agenda, c'est pas toujours bien d'avoir un agenda, mais moi j'avais un agenda par rapport au développement de Fripouille, je souhaitais mettre en œuvre quelque chose, et en fait... On n'a pas le temps. Je ne m'en suis pas donné peut-être les moyens, j'ai commencé, puis je suis allé vers autre chose, j'ai suivi un peu ce que vous proposiez. Donc j'ai pas eu le moyen de l'éprouver totalement. Bah, mais on pourra l'éprouver la prochaine fois qu'on jouera. Tout à fait. Disons qu'il y a une ébauche. Lorsque tu t'es approché de Dragon et de la Gaude et qu'il t'a donné Mot de pouvoir. Ouais, le mot de pouvoir, tu avais le sentiment qu'il y avait quelque chose qui... Le sentiment qu'il y avait quoi ? Eh bien, que ton personnage acquérait quelque chose ou pas. Oui. Ouais. Enfin, l'histoire de la poignée froide... D'accord. C'était bien illustré, si c'était la question. Ok. Donc, dans ce cas-là... Oui, mais c'est temporaire, j'imagine, le mot de pouvoir. Ouais. Est-ce qu'il a été révélé d'après toi? Est-ce que le mot de pouvoir dans ce que nous avons joué? Non, je sais pas quel est le mot qui a été prononcé. Oui. On m'a donné un mot de pouvoir. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Quel est-il? Aucune idée. Ce que je sais, c'est qu'en donnant une mandale à ce cher monsieur, il est tombé dans les vapes. Alors, est-ce que, selon toi, joueur, c'est la forme athlétique de ton certainement pas. Je pense que c'est le mot de pouvoir qui a fait son œuvre. Et que même si je mettais une pichenette avec le mot de pouvoir, la pichenette aura eu l'effet d'une énorme tarte. D'accord. C'est donc toi, tu considères qu'il a été investi d'un pouvoir d'un prodige étrange. Ou alors c'est purement psychologique et il a donné une super mandale. Enfin, avec 14, ça paraît bizarre quand même. Alors, pour mémoire, il y a des ajustements éventuels. Oui, je sais, sauf qu'en viande, j'imagine que c'est viande, j'ai 1, donc ça veut dire que ça me fait 15. Avec 15, je vais pas loin. Hein. 15, c'est pas le minimum à faire pour réussir? Si. Bah voilà, je vais pas loin avec 15. Hein. Bah oui, mais c'est justement, c'est une réussite. Donc... Oui, c'est une réussite, sauf que c'est une réussite pour donner une mandale. C'est pas oui. Forcément. La mandale, elle va pas te mettre dans les pommes automatiquement. Exemple, là, si je mets une mandale à Gamerel, il va pas forcément tomber dans les pommes. Oui, ça dépend dans quelles circonstances. Là, il y a une ambiguïté. Et donc. Oui, là, je sais pas si c'est le mot de pouvoir ou si c'est voilà. Dû au postulat de départ. Si je réussissais avec 15, je le mettais dans les vapes automatiquement. Donc, je présume que c'est le mot de pouvoir, mais ça peut très bien être l'énoncé qui me paraît pas clair, là, comme ça. Mais j'imagine que c'est volontaire. Ouais. Donc, il y a une possibilité dans la règle. C'est soit on a une attaque standard, soit on souhaite faire quelque chose, et dans ce cas-là, une manœuvre dilatoire, une manœuvre, etc. Soit c'est une attaque brute de décoffrage, soit au contraire, on a un but bien précis. C'est pas les mêmes modalités, et donc là, en l'occurrence, on est dans. S'il y avait une volonté, donc c'était peut-être ça. Voilà. Le pouvoir était peut-être que psychologique ou que quelque chose. Éventuellement. Et donc, bref. Là, c'est un peu le domaine que moi je souhaitais explorer. C'était autour des poupées, du coup. Non, mais c'était autour très bien. C'était autour de la notion de oui, mais de prodige. Enfin, désolé de fatiguer. Donc ça vous intéresse de poursuivre? Oui. Oui. Oui. Ok. Est-ce que vous avez des réflexions sur la mécanique, les éléments du récit, les personnages, l'évolution de ceux-ci? Donc, Gabriel, je pense que tu as un peu plus de prise sur... ou tu as une vision plus étroite de ce qu'est Smerdy. C'est pas trop ça, c'est que... les personnages que j'incarne, souvent j'ai la notion de un personnage n'est pas qu'une seule facette, ne se limite pas qu'à un archétype, et quand j'ai en partie, j'ai une idée derrière la tête, j'ai une facette du personnage en tête, et j'incarne cette facette. D'accord. Oui, de toute façon, l'archétype c'est uniquement pour t'aider à définir la partie prédominante de ta personne, celle qui se voit à prime abord. Exemple, un poète, même si c'est un poète psychopathe, la première chose qu'on va voir chez un poète, c'est un poète. Ensuite, si tu connais suffisamment bien, tu verras peut-être la partie psychopathe, mais d'abord tu vois le poète. Par rapport à Choubdia, Mathieu, est-ce que Choubdia a tissé des liens avec certains des figurants? Est-ce que tu t'es senti... Oui, surtout le Hertz. Hertz. Et toi aussi, est-ce que tu as vu évoluer... Enfin, et un peu la goutte d'ailleurs, mais moins. Oui, Hertz qui lui était beaucoup moins confiant envers moi. Bon, en même temps, tu étais en faveur de trucider quelqu'un dans ses yeux, ça aide pas, hein. Je lui ai expliqué après, il a compris. Ouais. Espérons que c'est pas d'autre impact sur sa santé mentale. Ok. C'était... Enfin bref. Ou Hertz. Ou on s'arrête là. Oui. Ok, bon, moi c'est bon.